L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Si vous lisez cette page, cela veut dire que vous avez un ordinateur connecté au réseau et que vous aimez l'astronomie et l'astrophysique. Et cela signifie aussi que vous êtes curieux et que vous aimez apprendre des choses. Si vous appréciez Ça se passe là-haut, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a rien à vendre ou acheter ici. Et en plus, vous avez 3 heures disponibles par semaine entre le 2 mars et le 13 avril. Cela tombe vraiment très bien. Il semble que vous soyez exactement le cœur de cible du tout nouveau MOOC, ce qu'on appelle un Massive Open Online Courses, en français un cours en ligne ouvert à tous. Ce MOOC qui vient d'être lancé par l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers, l'IRFU du CEA et l'Université de Nantes, et qui est intitulé Explore Univers. Rappelons qu'un MOOC est une série de cours dispensés en ligne par des enseignants-chercheurs, des vrais, comme si vous étiez sur les bancs d'un amphi, mais que vous pouvez suivre tranquillement depuis votre canapé. Ce MOOC Explore Univers est le premier MOOC d'astronomie populaire, accessible au plus grand nombre, en langue française. Aucun prérequis n'est nécessaire. Pour vous donner envie, je ne peux que reprendre les termes de la présentation officielle du cours. Explore Univers est avant tout un voyage à travers les connaissances actuelles en astrophysique et en planétologie. Un voyage à travers les grands objets scientifiques à l'étude en astronomie. Systèmes solaires, galaxies, nuages moléculaires, exoplanètes. Et à travers les grands instruments de recherche comme l'Observatoire spatial Herschel. Les objectifs pédagogiques de ce MOOC sont déclinés en 3 niveaux. 1. Acquérir une culture générale en sciences de l'univers. 2. Acquérir des connaissances plus approfondies en sciences et techniques. 3. Rechercher soi-même les réponses à des controverses scientifiques. Tout en décrivant des objets physiques, ce MOOC offrira ainsi une ouverture vers une question scientifique actuelle et des éclairages techniques, scientifiques et épistémologiques sur la démarche de recherche. Alors, pour achever de vous convaincre de vous inscrire, gratuitement, précisons-le encore, voici le programme qui se déroule en 2 séances hebdomadaires, donc sur 6 semaines. Alors, semaine 1, le système solaire et notre planète, la Terre, d'où part notre voyage. Semaine 2, présentation de notre étoile et de Mars, une autre planète habitable. Semaine 3, d'autres types de planètes existent, non rocheuses, les planètes gazeuses et géantes, entourées de dizaines de lunes. Semaine 4. Les galaxies, ces univers-îles peuplés de centaines de milliards d'étoiles, de quoi sont-elles faites? Quand et comment se sont-elles formées? Semaine 5. Comment se forment les étoiles et les planètes à partir du gaz interstellaire des galaxies? Semaine 6. Enfin, les conditions d'habitabilité sont-elles communes? Quel rôle jouent les comètes dans le transport des molécules organiques et d'eau sur les planètes? D'autres exotères existent-elles? Alors les participants au MOOC seront tout d'abord invités à visionner les 2 vidéos principales, puis des documents complémentaires mis à leur disposition pour mieux comprendre certaines notions scientifiques et techniques. 2 autres vidéos permettront d'aborder certaines notions et le rôle de la controverse scientifique dans la production des connaissances. Le participant aura également à sa disposition un glossaire et des suggestions de vidéos supplémentaires à visionner en dehors de la plateforme Fun. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 février. Le début des cours est quant à lui fixé au 2 mars. Donc pour tout savoir et pour vous inscrire, c'est ici sur la plateforme de MOOC Fun où je mets le lien ci-dessous. Donc, apprenez bien. Et à très bientôt sur Ça se passe là-haut.